son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Horreur, malheur. Y'a des bestioles dégoulinantes.